Le plus ardent démons, fais-moi voir tes merveilleux. J'achèterai tes yeux et tes oreilles. Au lieu de t'enfermer, triste comme le ver qui range tes bouquins, viens, suis-moi, ma jeunesse. J'y consens, à ton goût pour connaître la vie et laisse le fatras de ta philosophie. Ici, vins et chansons réjouissent la vie. Écoute bien ceci. Nous allons voir, docteur, la bestialité dans toute sa grandeur. See you.

Thank you.

Adieu, festa d'amour.

les trépassés sonnent déjà pour elle. As-tu peur de l'eau? Non, je l'entends.